Comment ça va? Je t'offre un verre. Viens avec moi. Et patati. Et patata. Et patati. Et patata. Quelle drôle de journée que l'on a là. Et ce soleil qui ne vient pas. Et patati. Et patata. Et patati. Et patata. As-tu regardé la météo? Ils ont prévu qu'il ferait beau. Et patati. Et patata. Et patati. Et patata. Non, j'ai trop tassé les journaux. Ils parlaient de Marie Monod. Et patati. Et patata. Et patati. Et patata. Ils disent que les riches paient trop d'impôts. Et que leur morale est à zéro. Et patati. Et patata. Et patati. Et patata. Paris confond. C'est un carton. On a flingué trois garnisons. Et patati. Et patata. Et patati. Et patata. Quant à la reine, elle nous fout le trac. Elle suit le pape qui est pas trac. Et patati. Et patata. Et patati. Et patata. Main dans la bourse. Et au plus bas. Qui va raquer la France d'en bas. Et patati. Et patata. Et patati. Et patata. Alors tu vois, c'est pas la joie. Et je crois bien que j'ai une crise de foi. Et patati. Et patata. Et patati. Et patata. En parlant de bourse, qu'est-ce qu'on débourse? On n'arrive plus à faire nos courses. Et patati. Et patata. Et patati. Et patata. Eh bien là, on s'est tout dit. Et on n'a plus un seul radis. Et patati. Et patata. Et patati. Et patata. On va se rentrer à la maison sans avoir fait nos commissions. Et patati. Et patata. Et patati. Et patata. Il y a Bourbonne qui va râler. On va se faire en guirlandais. Et patati. Et patata. Allez patron, remets.